Ah, vous êtes mis à coucher le doigt. Accident du travail. T'as déjà essayé de taper, Daniel? Ouais. Et Thank you.